إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 39 dans l'explication du livre Tariq al-Usul ila Idah thalathat al-Usul. C'est le charh du Cheikh Zayd al-Madkhali al-Usul al-Thalatha. Et c'est un charh très bénéfique. On est arrivé au cours 39, comme je disais. Et le Cheikh, maintenant, il commence à expliquer les cinq piliers de l'islam. On a expliqué le premier pilier, c'est-à-dire la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et maintenant il explique les quatre autres piliers de l'islam avec les preuves. Donc le shaykh il dit Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Faqad mata ma'ana jumlatan min al-adilla ala al-asl al-thani min al-usul al-thalatha wa hiya aw على من الأصول الثلاثة الذي هو معرفة دين الإسلام كما مضى معنا تفصيل أركان الإسلام وأدلة الشهادتين ثم واصل المؤلف الاستدلال على ثبوت هذه الأركان فقال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وهذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها دليل التوحيد ودليل الصلاة ودليل الزكاة وذكر وجوب الإخلاص في جميع الأعمال أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. Donc le cheikh explique que il dit louange à Allah et paix et salut sur le messager. Et ensuite, on a vu précédemment yani que on a commencé à parler des preuves du deuxième pilier de l'islam, hein, le deuxième pilier de l'islam parmi les trois piliers ou parmi les trois fondements plutôt. Donc le deuxième fondement parmi les trois fondements, c'est-à-dire de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et on a vu les preuves du premier pilier de l'islam, c'est-à-dire ash-shahadatan, donc le pilier de l'islam et son premier le pilier de l'islam et son premier de ces cinq piliers, le témoignage ou les deux témoignages ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Puis ensuite l'auteur a commencé à expliquer les autres piliers. Donc il dit la preuve de la salat, de la zakat et de l'explication du tawhid, c'est dans la parole d'Allah, lorsqu'il dit dans le verset 5 dans surat al-Bayyinah, et il n'avait été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif en hunafa, c'est-à-dire hunafa qui est le pluriel du terme hanif, et hanif qui signifie celui qui se penche vers qui est enclin à l'adoration d'Allah seul et qui se détourne du shirk, hein, et qui établit la salat et qui donne la zakat, et voilà la religion de la droiture. Voilà la religion de la droiture. Le cheikh il explique que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne donc la preuve premièrement du tawhid, puisqu'il dit ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, hein, mukhlisin, c'est-à-dire avec sincérité et pureté dans leur adoration. Donc ça c'est la preuve du tawhid en hunafa. Et après il dit la preuve de la salat wa yuqimu as-salat, et la preuve de la zakat wa yu'tu az-zakat, et la preuve en même temps de l'obligation de faire preuve de sincérité et de pureté dans toutes nos œuvres ou dans toutes les œuvres qu'on peut faire dans la religion, que ce soit dans nos paroles, nos actions, qu'elles soient intérieures ou cachées, c'est-à-dire qu'elles soient intérieures, cachées ou extérieures, divulguées. Et il dit ففي قوله عز وجل وما أمروا أي ما أمرت الخليقة أو ما أمرت الخليقة إلا ليوحدوا الله ويتقربوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية مستصحبين الإخلاص في ذلك. Donc il dit, quand Allah dit et ils n'avaient été ordonnés, c'est-à-dire ils n'ont été ordonnés la création n'a été ordonnée que d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de se rapprocher à lui par toutes les formes d'adoration qui existent, qu'elles soient financières ou économiques ou bien physiques. Parce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala physiquement avec notre corps, on l'adore aussi avec nos biens, parce qu'on donne de notre argent quand on donne la zakat, et aussi on donne également, on adore Allah subhanahu wa ta'ala par notre cœur. Donc c'est les différentes façons dont on peut offrir des adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans toutes ces différentes formes d'adoration, il faut accompagner ça de sincérité et de pureté envers Allah subhanahu wa ta'ala pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah. Il dit iz inna al-ikhlas ruknun min arkan qabul al-a'mal fa idha kana al-'amal ghayr khalis lillah 'azza wa jalla fa huwa ghayr maqbul wa idha kana al-'amal ghayr sawab fa huwa ghayr maqbul وإذا كان العمل صادرا عن شيء عن سيء الاعتقاد سيء الاعتقاد فهو غير مقبول أيضا كذلك. Donc le cheikh il dit que l'ikhlas, c'est-à-dire la pureté du cœur, la pureté de l'intention, la pureté des œuvres, lorsqu'on adore Allah, c'est-à-dire qu'on a purifié nos œuvres de toute forme de shirk et qu'on adore Allah, on adore que Allah, on adore rien d'autre que lui, et on fait nos œuvres que pour lui. Donc ça c'est un des piliers pour que nos œuvres soient acceptées, parce que dans les actions il y a deux piliers qui sont nécessaires pour que les actions soient acceptées. Le premier pilier c'est que l'action soit faite selon disons selon la sincérité et la pureté. Donc il ne faut pas qu'il y ait de shirk dans notre adoration, que ce soit du shirk majeur ou du shirk mineur, ou du shirk apparent ou du shirk caché. Dans toutes les différentes formes de shirk, pour que notre œuvre soit acceptée, il faut qu'elle en soit purifiée et nettoyée. Il ne faut pas qu'il y ait du shirk dans nos œuvres absolument, yani d'aucune sorte ou d'aucune façon. Et donc que nos œuvres doivent être uniquement pour Allah. Si elles ne sont pas faites pour Allah, elles ne seront pas acceptées. Elles ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première condition. La deuxième condition bien entendu, ou le deuxième pilier, c'est que nos œuvres soient faites selon l'exemple et la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son exemple et sa sunna. Et que si nos œuvres ne sont pas faites de cette façon-là, eh bien nos œuvres ne seront pas non plus acceptées. Et c'est ça les bonnes œuvres. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des bonnes œuvres, il parle de ça en fait. Des œuvres qui sont purifiées du shirk et qui sont faites selon l'exemple et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on a bien compris ça, eh bien on peut comprendre le verset qui suit ce verset-là par la suite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Donc on voit que dans la même sourate, sourate Al-Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils n'ont été ordonnés. Donc ça c'est avant. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن الذين كفروا, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. إن الذين كفروا من أهل الكتاب, parmi les gens du livre. والمشركين, parmi les gens du livre et parmi les idolâtres, les mushrikines. في نار جهنم خالدين فيها, c'est-à-dire ils seront dans l'enfer, hein, dans le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. أولئك هم شر البرية, ceux-là sont les pires de la création. Hein? Donc ça c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne au sujet des mushrikines et des gens du livre, que ce sont des kuffars, hein, ceux parmi les kuffars, parmi les gens du livre et les mushrikines, ils seront dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Et par opposition à ceux-là, qui est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne? Il mentionne ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la création. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en opposition ou par opposition aux juifs et aux chrétiens et aux mushrikines, les gens qui croient et qui font du bien. Et ça vient clarifier qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport aux conditions ou aux piliers de l'acceptation de nos œuvres. Que nos œuvres, pour qu'elles soient des œuvres bonnes et pour qu'elles soient acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles doivent être faites premièrement avec ikhlas, sincérité et pureté dans l'action, dans l'intention, qu'il n'y a pas de shirk dedans. Hein? Et ça vient en contradiction avec ce que font les juifs et les chrétiens et les mushrikines, puisque les juifs et les chrétiens et les mushrikines associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations et en même temps parfois ils font même différentes formes de shirk. Donc tout ça c'est des preuves que cette action là qu'ils font ne peut pas être acceptée puisqu'elle contient du shirk. Ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent Uzair, ils adorent des saints, des tombes, des morts, des croix, des images, des statues, des hommes pieux, des rabbins, des moines, et ainsi de suite. Donc ils les obéissent dans la désobéissance d'Allah et ils les suivent dans ce qui est contraire à la révélation d'Allah. Et donc tout ça c'est des exemples de shirk. Qu'est-ce qu'ils font? Et les mushrikines, ils adorent des idoles, des statues, et les chrétiens, ils font ça aussi, donc ils les imitent. Donc c'est pour dire que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Même s'ils font des œuvres qui paraissent bonnes, qui ressemblent aux œuvres que Allah nous ordonne de faire, mais elles diffèrent dans leur essence, puisqu'elles sont basées sur le shirk. Et parce qu'elles sont basées sur le shirk, Allah ne peut pas les accepter. Et une autre condition, qui est le deuxième pilier, qu'elle soit faite selon la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est également une autre condition que les juifs, les chrétiens et les mushrikines ne respectent pas, puisqu'ils ne croient même pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne croient pas non plus en sa charia qui est révélée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la sunna. Donc celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala par l'exemple des prophètes précédents, ou par la charia de Moussa ou d'un autre prophète, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter son adoration puisqu'elle ne respecte pas les deux conditions qu'on a mentionnées. Et même si elle respectait une seule des deux conditions, ce ne serait pas suffisant. Il faut qu'elle respecte les deux ensemble, une avec l'autre. S'il y en a une des deux seulement qui est respectée, eh bien l'action ne sera pas valable, elle ne sera pas appelée bonne et elle ne sera pas agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala met par opposition aux juifs, aux chrétiens, aux mushrikins, il met ceux qui font les bonnes œuvres et qui croient en Allah correctement, c'est-à-dire pas juste de croire en Dieu et en son existence, c'est-à-dire je dis que Dieu existe, oui je reconnais son existence donc je crois en Dieu. Ça ne veut pas dire ça, croire en Dieu. En islam, croire en Dieu, ça veut dire premièrement croire en son unicité, croire en son tawhid, qui implique de croire en sa souveraineté, de croire en l'unicité dans son adoration et de croire en l'unicité dans ses noms et dans ses attributs. Hein? Et en même temps aussi qui implique le fait de croire en tout ce qu'il a révélé dans ses livres et qu'est-ce qu'il a ordonné par la bouche de ses messagers, et de croire en la, le paradis, l'enfer, le jugement dernier, de croire en la prédestination, et ainsi de suite. Hein? Les livres, les messagers, les prophètes, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ça fait partie de croire en Dieu. Et si quelqu'un n'a pas cru en ça, eh bien, ses œuvres, même s'il fait des œuvres, eh bien, elles ne seront pas acceptées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, dit qu'ils sont les pères de la création, parce qu'ils n'ont pas cru réellement en Allah, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des musulmans qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres que ce sont les meilleurs de la création. Parce que peut-être que parmi les gens qui se disent musulmans, il y en a qui se disent musulmans, mais dans la pratique, ils font la même chose que les juifs, les chrétiens et les mouchriquins. C'est-à-dire qu'ils prient des morts, ils prient des saints, ils prient des tombes, et ils font toutes sortes de choses qui sont en contradiction avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils amènent des innovations. Donc Allah ne va pas accepter leurs œuvres, même s'ils se disent musulmans, même s'ils disent qu'ils pratiquent l'islam, mais ce qu'ils pratiquent, c'est pas réellement l'islam, puisqu'ils n'adorent pas Allah seul, ils font du shirk dans leurs adorations, et ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et selon sa sharia et selon sa sunna. Ils inventent des innovations dans la religion d'Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de ce que de notre religion, eh bien ce sera rejeté. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, eh bien cette action-là sera rejetée. Donc il faut comprendre ça très très clairement et savoir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les actions des kuffars, des mushrikins et des gens du livre. Pourquoi il ne les accepte pas? Parce que leurs œuvres ne sont pas bonnes. Pourquoi elles ne sont pas bonnes? Parce qu'elles ne respectent pas al-ikhlas et elles ne respectent pas al-mutaba'a, c'est-à-dire le fait de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, si l'œuvre n'est pas sincère et pure pour Allah seul, elle ne sera pas acceptée, et si l'action n'est pas en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne sera pas correcte et donc elle ne sera pas acceptée, et si l'action elle est poussée à la base par une mauvaise croyance, c'est-à-dire qu'est-ce qui est à l'origine de l'action, c'est une croyance qui est corrompue ou qui est mauvaise, eh bien, elle ne sera pas acceptée non plus cette action-là, même si l'action, elle paraît bien. Par exemple, quelqu'un donne une charité à un pauvre et il lui donne 100 dollars. Il voit un pauvre, il lui dit « je te donne 100 dollars, tu es dans le besoin, voici 100 dollars ». Mais il le donne au nom de Jésus ou au nom de Marie, ou au nom d'une idole, ou au nom d'un saint, ou autre, eh bien, même si cette œuvre, elle est bonne en apparence, elle n'est pas bonne à cause de la motivation ou de la chose qui la pousse. L'origine de cette action-là, la base sur laquelle cette action, elle est basée, elle est corrompue, puisqu'elle est basée sur le shirk, et donc, cette action-là n'est pas bonne, et ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que on dit, même les athées par exemple, eux ils disent nous on peut faire le bien, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour faire le bien. Eh bien le bien qu'ils font, même si en apparence ça paraît être bien, mais c'est pas basé sur la foi, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les récompenser pour l'œuvre qu'ils font. Et ça réfute en même temps toutes les différentes catégories de koufars actuellement, et les francs-maçons aussi, qui disent qu'est-ce qui est important, c'est les actions que font les hommes, c'est pas leur religion. Ils disent que il y a des gens qui sont musulmans qui font du bien, et il y en a qui font pas du bien, et il y a des juifs qui font du bien, et il y en a qui font pas du bien, et il y a des chrétiens qui font du bien, et il y en a qui font pas du bien. Donc eux ils disent l'important donc c'est pas la religion de quelqu'un, mais c'est plutôt ça, c'est plutôt ses actions, qu'est-ce qu'il fait. Et nous on dit non, c'est pas vrai, c'est pas suffisant seulement de se baser sur les actions. Si un musulman fait du bien, c'est accepté d'Allah parce qu'il le fait avec ikhlas et il le fait avec avec mutaba, c'est-à-dire il suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc son œuvre est acceptée, tandis que s'il fait du mal, eh bien c'est un péché, il reconnaît que c'est mal, il demande pardon à Allah, il se repent à Allah, ou s'il ne se repent pas, malgré tout, il sera peut-être puni par Allah, soit dans cette vie ou dans l'au-delà, et ça, ça va faire effacer pour lui ce péché-là, et il sera quand même parmi les gens du paradis, parmi les gens du tawhid. Tandis que les kuffars, les mushrikines et les idolâtres qui font du bien, eh bien, comme on a expliqué, c'est pas du bien qu'ils font, puisque c'est pas basé sur le tawhid, c'est pas basé sur l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps aussi, s'ils meurent sur ça, eh bien, ils meurent sur le shirk, qui est le plus grave de tous les péchés, et c'est des gens qui meurent sur le shirk et le kufr, ils n'ont aucun espoir de la miséricorde d'Allah, puisque c'est le seul péché que Allah ne pardonne pas, c'est le shirk. Donc, peu importe qu'ils aient fait le bien, même s'ils disent j'ai pas fait le bien pour Dieu, je fais le bien pour faire le bien. Ils disent ça. Eh ben, c'est pas vrai. Souvent, c'est pour. Ils font le bien pour se faire remarquer. Ils font du bien pour que les gens regardent qu'est-ce qu'ils font pour dire lui, c'est un homme généreux. Pour se faire glorifier. Des gens, pour voir, que les gens voient hein, qu'il est bon. Et ça, c'est du shirk dans l'intention. C'est qu'est-ce qu'on appelle riya, c'est-à-dire l'ostentation. Le fait de vouloir faire des œuvres pour se faire glorifier par les hommes. Et ça, ça annule la valeur de nos actions. Et ça fait en sorte que l'action qu'on fait, même si à la base elle est bonne, mais elle n'est pas acceptée d'Allah parce qu'elle n'est pas pure pour Allah seul. Donc ça aussi, ça fait partie du fait de vouloir faire les œuvres pour Allah seul, avec sincérité et pureté. Il faut qu'elles soient basées sur al-ikhlas, qu'il n'y ait pas de riya, qu'il n'y ait pas de shirk mineur ou majeur dedans. Ensuite, le shaykh, il dit « Wa amarahum Allah an yakunu hunafa »« An yakunu hunafa » bima'na ma'ilina an shirki بضروبه كبيره وصغيره مقبلين على التوحيد بجميع أنواعه وحقوقه ومكملاته مقيمين لصلواتهم بما تحمل كلمة الإقامة من معنى مؤدين زكاة أموالهم مما يملكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بشروطها وضوابطها التي جاءت في الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que Allah leur a ordonné d'être des hunafa. D'être des hunafa, comme on l'a expliqué, c'est-à-dire des gens qui sont inclinés vers le tawhid, mais qui se détournent du shirk, hein, qui n'ont aucune inclinaison, aucun penchant vers le shirk et ses manifestations. Peu importe que ce soit des formes de shirk majeures ou mineures, ils s'en détournent, ils s'en écartent et ils se tournent uniquement vers le tawhid et l'unicité d'Allah dans toutes ses formes ils établissent les droits du tawhid et les perfectionnements du tawhid. Ça vient expliquer ou clarifier que le tawhid, c'est la religion au complet. C'est-à-dire que le tawhid, c'est pas juste une partie de l'islam, mais c'est tout l'islam. Dans le sens que si on veut comprendre ça de cette façon-là, on va comprendre que le tawhid, il est divisé en différentes catégories. Il y a le tawhid qui est, disons, parmi les droits du tawhid, et les conditions du tawhid, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah seul et de ne rien associer avec lui, d'établir les catégories du tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat, celui qui contredit ça, il tombe dans le shirk majeur, il devient mushrik. Maintenant, il y a une autre catégorie, disons, que de tawhid, dans le sens que c'est qu'est-ce qui vient, disons, compléter le tawhid, mais que si tu vas pas le respecter, ça va pas détruire ton tawhid. C'est les choses qui sont parmi les formes de shirk mineur, c'est-à-dire les formes de shirk mineur, ça c'est obligatoire de t'en écarter et de faire ce que Allah t'a ordonné. Ça vient parmi les droits du tawhid. Ça fait partie des droits du tawhid, comme faire la salat, t'écarter des choses haram, faire qu'est-ce qui est obligatoire, donner la zakat, toutes les choses obligatoires, et t'écarter des choses haram, de pas faire des bid'a, de pas faire du zina, pas boire de l'alcool, pas manger du porc. Ça c'est qu'est-ce qui fait partie des droits du tawhid, et qu'est-ce qui vient parfaire le tawhid. Ça c'est par exemple les actes surérogatoires, les actes qui sont recommandés mais qui sont pas obligatoires, et t'abstenir des choses déconseillées ou détestables qui sont pas haram. Bon, ça vient parfaire ton tawhid. Si tu le fais pas, ça va pas détruire ton tawhid, tu deviens pas mouchrik, hein. Donc c'est pour comprendre donc que le tawhid, il y a des degrés dans le tawhid, pas tout qui est au même degré, au même niveau, et donc dans ce cas-là tout ce qui est dans l'islam fait partie du tawhid, et plus ton tawhid sera complet et parfait, plus tu vas être parmi les gens rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus ton tawhid est faible, eh bien moins tu seras parmi les gens rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la religion en entier c'est le tawhid, hein, comme les ulama l'ont expliqué. Et c'est pour ça que ceux qui disent ah mais vous parlez tout le temps du tawhid, hein, vous en avez pas marre de parler du tawhid tout le temps, peut-être que vous pourriez parler aussi d'autres sujets. Ben tous les sujets sont reliés au tawhid, de proche ou de loin. Ça dépend de la catégorie ou bien de la différente forme de l'aspect de la religion dont on parle. Comme par exemple certains qui disent bon, on peut parler par exemple du mariage. Ben, le mariage, il a un lien quand même avec le tawhid, puisque ça fait partie des ordres d'Allah, et ça fait partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou enjoint à ses messagers et aux croyants, et de s'écarter du zina, ça aussi ça fait partie, hein, du tawhid, dans qu'est-ce qui a rapport avec les droits du tawhid aussi. Donc tout ça c'est relié, hein, et de comprendre la base du tawhid, c'est plus important que de comprendre par exemple le mariage à la base, parce que si tu comprends le mariage ou que tu fais le mariage, il y a des chrétiens qui se marient, il y a des juifs qui se marient, il y a des idolâtres qui se marient, et est-ce que ça va les faire rentrer au paradis de s'être mariés? Non, parce qu'ils font le shirk, et le shirk c'est le plus grand des péchés et qui annule toutes les œuvres. Tandis que s'ils ont compris le tawhid à sa base et qu'ils expliquent, ils ont compris ses droits, eh bien, là, leur religion va être complétée. Hein? C'est ça qui est important de comprendre. Donc, ensuite, il y a l'établissement de la salat, avec tout ce que établir la salat peut avoir comme signification. Et il y a, après, il dit, le fait de donner la zakat dans nos biens, dans les différentes formes de biens que tu possèdes. Il y a des zakats qui sont obligatoires. Par exemple, si tu as du bétail, si tu as de l'argent, de l'or, si tu as par exemple aussi des fruits secs ou des céréales, du blé ou des choses comme ça, il y a de la zakat à donner, du riz, il y a de la zakat à donner là-dessus, des choses comme ça, tu vois, des récoltes. Et le cheikh il dit ensuite, avec les conditions, donc ça veut dire qu'il y a des conditions pour que la zakat soit obligatoire. Si elle n'est pas obligatoire, ben, si elle ne respecte pas les conditions, dans ce cas-là, elle n'est pas obligatoire encore. Et les principes à respecter selon le Coran et la Sunna par rapport à ce qui est important de connaître par rapport à la zakat, pour savoir quand est-ce que ça devient obligatoire pour toi, c'est quoi le montant minimum que tu dois posséder comme argent, c'est quoi la durée de temps qui est la durée minimum à partir de laquelle la zakat devient obligatoire, à quel moment tu dois la donner, à quel moment tu dois la payer, et à qui tu dois la donner, hein. Tout ça c'est des choses qui sont clarifiées par les règles du Coran et de la Sunna au sujet de la zakat. Après il dit wa khatama Allah azza wa jalla hadhihi al-ayat al-karima min surah al-bayyinah bi qawlihi dhalika wa dhalika dinul qayyima ay man wahhada Allah tabaraka wa ta'ala wa 'abadahu 'ala sabil al-sawab wal ikhlas wa kana ma'ilan 'an al-shirk muqbilan 'ala at-tawhid muqiman li salatihi muaddiyan li zakatihi فقد أقام الدين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله وذلك دين القيمة. Donc le cheikh il dit que Allah a terminé ce verset là en disant et voilà la religion de la droiture, c'est-à-dire celui qui a unifié Allah تبارك وتعالى et il l'a adoré de la manière qui est correcte et pure, c'est-à-dire il n'a pas fait de shirk. Il s'est détourné du shirk et il s'est penché entièrement vers le tawhid en établissant sa salat, en donnant la zakat. Et bien celui-là, il a établi la religion que Allah a mentionnée dans le verset comme étant la religion de la droiture. Et il dit ensuite وَذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَأَلْزَمَ اللَّهُ بِهِ الْعِبَادِ في قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. C'est-à-dire Allah a mentionné que la religion qu'il acceptera c'est l'islam, la seule religion qu'il acceptera c'est l'islam, dans le verset 19 dans surat Al-Imran, certes la religion pour Allah c'est l'islam, et dans le verset 85 dans surat Al-Imran il a imposé à ses serviteurs de suivre l'islam et d'être musulman. Et il a dit, quiconque cherche une religion autre que l'islam, alors elle ne sera pas acceptée de lui et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autre religion acceptée par Allah que l'islam. Après, le cheikh il explique les preuves du jeûne, hein, as-siyam. Donc il dit, wa dalil as-siyam. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, nous avons prescrit pour le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui ont vécu avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété. وهو دليل صريح على فرض صيام شهر رمضان الذي فرضه الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على صفة مخصوصة ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc la preuve claire de l'obligation du jeûne c'est dans ce verset, hein? Et le cheikh il dit que le jeûne du Ramadan que Allah a ordonné et qu'il a rendu obligatoire à la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon une description bien spécifique que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans sa sunna. Il dit wa dhakara Allah fi kitabihi ay dhakara bidayat as-sawm wa nihayatahu حيث قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل فهذه المدة الزمنية التي أمر الله تبارك وتعالى أن تصام وأن يمسك فيها المسلم والمسلمات المسلمون والمسلمات عن المفترات في هذا الشهر العظيم الذي فرضه الله على الأمة المسلمة في عامها ليكون تطهيرا لنفوسهم وتزكية لجوارحهم وإحسانا لقلوبهم وتكثيرا لحسناتهم وتقليلا لسيئاتهم فكله خير وكله صلاح وفلاح. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre le début et la fin du jeûne. Et il dit dans le verset 187 dans surat al-Baqarah, et mangez et buvez jusqu'à ce que devienne clair pour vous la ligne blanche de la ligne noire de l'aube. Puis ensuite complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc il dit voici la durée de temps que Allah a ordonné, hein, dans laquelle Allah nous ordonne de jeûner. Et le musulman, il doit s'abstenir, donc se retenir, le musulman et la musulmane doivent s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, de tout ce qui peut annuler le jeûne, dans ce jeûne, dans ce grand mois dans lequel Allah a ordonné à la Ummah, une fois dans l'année, de s'abstenir de ce qui annule le jeûne. Et ça, c'est pour purifier leur âme, pour purifier leur corps et pour faire revivre leur cœur et pour augmenter et multiplier leurs bonnes œuvres et pour diminuer les péchés qu'ils font et les fautes qu'ils font. Tout ça, il y a du bien dedans et il y a de la réforme et du succès. ورحمة بهذه الأمة الضعيفة التي قصرت أعمارها وكثرت أشغالها، فناداهم الله عز وجل في هذه الآية بوصف الإيمان، وهو أشرف الأسماء بالنسبة للمخاطبين، وأشرف من النداء بيا أيها الناس أو المسلمون، لأن للإيمان معنى أعظم من معنى الإسلام، وأعظم مما دل عليه كلمة الناس التي يشترك فيها البر والفاجر والمسلم والكافر، وهكذا. وهذا من حسن أساليب القرآن ومن لطف الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين في دعوته لهم ليتمثلوا أو ليمثلوا ليمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه. شرفهم بهذا اللقب وأتبعه بذكر فرض الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكتابة الصيام فرضيته على سبيل الوجوب. Donc le cheikh, il dit que c'est par miséricorde pour cette umma qui est faible et dont l'âge a été accourci ou raccourci, que yani, et qui est rempli d'occupations. Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par la description de la foi, hein, dans ce verset: ô vous qui avez cru, hein, et ça c'est l'appel la plus noble par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala peut s'adresser à quelqu'un, et c'est le plus noble de tous les appels, et c'est plus noble que de dire: ô vous les hommes, ou ô vous les musulmans. Parce que la foi, elle a une signification qui est plus grande que la signification de l'islam, et plus grande également que ce qui est indiqué par le terme homme, puisque dans le terme homme, eh bien, on peut calculer le pieux et le pervers, le musulman et le mécréant, hein. Donc le terme les croyants, c'est plus fort que le terme homme ou bien le terme musulman. Et ça fait partie des belles méthodes et des beaux styles du Coran. Et parmi les exemples de la douceur d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ses serviteurs, dans sa façon de les appeler quand il les appelle pour qu'ils mettent en application ses ordres et qu'ils s'écartent de ses interdictions, donc il les appelle par ses surnoms ou par ses termes, comme les croyants, ô vous qui avez cru, hein, et ainsi de suite. Et juste après, il a fait suivre l'ordre, le rappel ou la mention de l'ordre de jeûner. Et il a dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, hein, c'est-à-dire il vous a été ordonné de façon obligatoire. Et il dit: wa fi qawlihi kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, dalil 'ala fardiyyati as-siyam laysat min khasa'is ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bal hiya fariidatun furidat 'ala kulli ummatin min al-umam. Wa li hadha qala: wa kama kutiba 'ala alladhina min qablikum, ay min al-umam, فريضة الصيام مكتوبة ومفروضة على الأمة على الأمم السابقة غير عبر تاريخها. Le cheikh, il dit que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que le jeûne a été également prescrit à ceux qui ont vécu avant nous, pour qu'on puisse atteindre la piété, et ça c'est la preuve que le jeûne ne fait pas partie des particularités de la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais que plutôt c'est une obligation pour toutes les différentes nations, tous les peuples qui ont vécu. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit kama kutiba 'alal ladhina min qablikum, comme ça a été prescrit à d'autres parmi les à d'autres qui ont vécu avant vous, parmi les nations, parmi les peuples. Et donc la base de l'obligation du jeûne qui a été prescrit dans le Coran, dans la Sunna par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la base de ça, c'est quelque chose qui a été ordonné également aux peuples qui ont précédé à travers l'histoire. Après, le cheikh il dit وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. C'est-à-dire que la preuve de l'obligation du hajj, c'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que le hajj a été ordonné aux hommes, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui en a la capacité. Et celui qui rejette la foi, alors Allah subhanahu wa ta'ala certes peut se passer de l'univers entier. Et le cheikh dit وَالْآيَا دَلِيلُ وَاضِحٌ عَلَى فَرْضِيَةِ الْحَجِّ ولكن فرضيته مقيدة بالاستطاعة فمن لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه حج ولا عمرة. Donc le cheikh il dit que le verset est une preuve claire de l'obligation du hajj, mais son obligation est restreinte par la capacité. Celui qui n'est pas capable de faire le hajj ou la umra, alors il n'a pas d'obligation sur lui de la faire. والاستطاعة كما أسلفنا في حديث مضى أن يجد المكلف زادا ورحلة وذهابا وإيابا وإن لم يجد أيضا راحلة كما وكان متمكنا وقادرا من المشي لقرب المكان فإنه أيضا يجب عليه وهكذا أيضا يشترط أمن الطريق بحيث يأمن على نفسه ويأمن على ماله فلا يناله أحد بسوء مثل ذلك ومثل ذلك كفاية من يقول حتى يعود ومثل ذلك كفاية من يقول أو من نعم حتى يعود. Le cheikh il explique ici, il dit que la capacité dont on a parlé dans le verset, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la provision et la monture ou le moyen de transport, aller-retour. Et s'il ne trouve pas le transport ou la monture et qu'il est capable d'y aller à pied à cause de la proximité du lieu, alors dans ce cas-là, il peut le faire à pied, ça devient obligatoire pour lui, et c'est ainsi que il est une condition aussi parmi les conditions, c'est que le chemin doit être sécurisé. Il doit être sécurisé, c'est-à-dire qu'il doit être en sécurité pour sa personne et pour ses biens sur ce chemin-là qu'il va prendre, et qu'il ne va pas être atteint par un mal quelconque sur ce chemin. Et aussi également il doit donner la subsistance ou le bien de ceux qui sont sous sa responsabilité jusqu'à ce qu'ils reviennent, c'est-à-dire que s'il laisse des gens derrière qui sont sous sa charge, eh bien il doit leur laisser la subsistance nécessaire jusqu'à son retour, À notre époque, le hajj maintenant, parfois ça peut être très rapide. Il y a des gens qui partent une semaine, deux semaines, ils reviennent, ils ont fini le hajj, ils vont en avion, ils reviennent. Et à l'époque, il y a des gens qui partaient Il faisait des longs voyages, ça prenait des mois pour arriver à la Mecque et pour revenir. Donc c'était très très difficile ces voyages-là, c'était pas comme aujourd'hui. Et donc parfois certains ils partaient, même encore aujourd'hui on ne sait pas si on va revenir, parce qu'on ne sait pas quand la mort peut nous amener, mais c'est pour dire que à l'époque c'était encore plus dangereux qu'aujourd'hui. Il y avait des voleurs sur le chemin, des fois il y a beaucoup de gens qui partaient à pied en Afrique et qui s'en allaient même jusqu'à la Mecque à pied. On a même à notre époque des exemples de ça. Il y a des histoires que j'ai entendues de la part de certains chouyours même qui sont partis à pied et qui sont revenus des années après pour aller faire le hajj. Donc c'est pas un petit voyage, c'est très difficile. Na'am. Donc le cheikh il dit ensuite: wa khatama Allah tabaraka wa ta'ala al-aya bi hukm kufri man jahada fardan min fara'id Allah wa ankarahu wa lam yu'min bihi kaman yunkir fard al-hajj wa ghayrihi min al-fara'id فإنه يكون بذلك كافرا ومن كفر فإن ضرر كفره على نفسه كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن كفر فلا يحزنك كفره وهنا يقول ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وهم فقراء إليه وبهذه الأدلة ينتهي البحث في المرتبة الأولى التي هي الإسلام بجميع أركانه مرتبة وقد أتبع المؤلف هذه المرتبة بالمرتبة الثانية وهي الإيمان. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a terminé ce verset en mentionnant le verdict de la personne qui a renié la foi et qui a rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt en une des obligations parmi les obligations d'Allah, hein. Il a renié une des obligations parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a pas cru. Donc celui qui est comme ça, celui qui renie et qui ne croit pas en les obligations d'Allah, alors celui qui renie cette obligation-là, comme l'obligation du hajj par exemple, hein, et d'autres parmi les obligations de la religion, eh bien, il devient mécréant, parce qu'il a nié l'obligation. Et celui qui a renié, eh bien, sa mécréance, celui qui renie la foi, sa mécréance ne retombe que contre lui-même et ne fait du tort qu'à lui-même. C'est-à-dire que celui qui rejette la foi en Allah, eh bien, il ne fait pas de tort à Allah, il ne fait du tort qu'à lui-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, comme le verset 23 dans Sourate Luqman, وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ. Celui qui a mécru, eh bien, ne soit pas attristé par sa mécréance. Et dans un autre verset, il dit: et celui qui renie la foi ou qui devient mécréant, eh bien, sache que Allah subhanahu wa ta'ala peut se passer entièrement de tout l'univers. Mais c'est sûr qu'on s'attriste de la mécréance d'un kafir, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le sens que la mécréance de ce mécréant, elle ne fait pas de tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne peut rien enlever à Allah. Et de toute façon, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et c'est lui qui égare. D'accord? Mais l'important ici, c'est de savoir si Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète que ne soit pas attristé, c'est la preuve qu'il était attristé. Et donc, c'est pour lui dire de ne pas l'être, dans le but justement de lui faire comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sagesse dans ça. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné ça. Et c'est pour un bien, hein? Donc il faut bien comprendre ça. Et c'est normal de ressentir de la tristesse pour quelqu'un qui tombe dans le kufr, parce qu'on sait qu'est-ce qui l'attend. On sait qu'il risque, hein, s'il meurt dans cette mécréance, d'être dans l'enfer pour l'éternité. Et donc ça nous attriste. Mais en même temps, bon, on peut pas changer les choses juste parce que on veut. Hein? C'est-à-dire, il faut qu'on accepte la réalité. Puis, si quelqu'un est dans la mécréance et que ça nous attriste, eh bien, on fait des doigts pour cette personne, pour que Allah subhanahu wa ta'ala la guide. C'est la seule chose qu'on peut faire, hein, et l'inviter à la vérité. Après, le cheikh, il dit, وَهُمْ فُقَرَا إِلَيْهِ. Hein, Allah peut se passer entièrement de l'univers. Il dit, et ils sont indigents envers Allah, par rapport à Allah. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pauvres devant Allah. Et Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, il est al-ghani, le riche. Donc, il dit, donc, c'est ainsi que ces preuves viennent clarifier donc ce premier principe sur lequel tous les piliers de l'islam sont basés. Et il dit donc que Naam, que l'auteur, il fait suivre cela par la définition de la foi. Nous, on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. On continuera ce point-là au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.